un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint, Annie Ernaux, Antonio Lobo Antunes, Jean d'Ormesson, Lydie Salver, Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Catherine Pontimbert s'entretient avec André Brink, récemment disparu. Cette semaine, France Culture rend hommage à l'écrivain André Brink, récemment disparu à l'âge de 79 ans. En 2006, Catherine Pontimbert le rencontrait. Un parcours d'homme et d'écrivain exigeant, exposé aux dangers de la vie et aux risques de l'écriture, vous êtes, André Brink, l'une des rares figures du paysage littéraire contemporain à posséder une dimension internationale. Vous êtes né en 1935, en Afrique du Sud, dans l'État libre d'Orange, l'une des quatre provinces sud-africaines. C'est à la Sorbonne, dans les années 1960, que vous rencontrez pour la première fois des intellectuels noirs, venus de tous les horizons, ce qui vous fera dire que vous êtes né sur un banc du jardin du Luxembourg dans ces années-là. Ce sera ensuite mai 68, vécu à Paris, qui vous convaincra de rentrer dans votre pays, l'Afrique du Sud. Parce que vous êtes un écrivain qui croit à l'écriture, à son efficacité, vous avez très tôt compris qu'il était inutile de fuir la réalité et vous avez écrit. Vos textes, une quinzaine de romans, parmi lesquels « Au plus noir de la nuit » ou encore « Une saison blanche et sèche » et deux essais, défient les forces invisibles qui se dresse contre l'écrivain lorsqu'il contourne la stratégie du secret et qu'il écrit contre le silence. Nous parlerons de ces forces invisibles, si vous le voulez bien, un petit peu plus tard cette semaine. Il se trouve, André Brink, que vous venez de publier une biographie fictive intitulée « L'amour et l'oubli » qui constitue une véritable invitation à parcourir votre vie. Je vous propose donc de remonter le fil du temps. Vous êtes afrikaner, c'est-à-dire descendant des colons hollandais qui sont arrivés au XVIIe siècle en Afrique du Sud. Et de surcroît, vous avez été élevé dans un milieu très traditionnel. Alors peut-être faut-il commencer par dire ce que signifie être un afrikaner né dans la première moitié du XXe siècle. C'est pas une réponse très facile, parce que afrikaner, déjà, peut dire plusieurs choses. Mais je crois que à l'époque où j'étais né, à l'époque où je grandissais, afrikaner voulait dire surtout trois choses. Quelqu'un qui parlait la langue afrikaans, quelqu'un qui appartient à l'église hollandaise calviniste, et en troisième lieu, quelqu'un qui est blanc. Dans les trois sens, mes parents étaient des gens très très conservateurs et j'avais donc grandi au sein d'une famille très très conservateur et il fallait reconsidérer tous mes points de départ à un moment ultérieur. Oui, parce que tout votre parcours de vie l'atteste, André Brink. Vous avez fait des choix qui vous ont, au fur et à mesure, éloigné des valeurs de ce milieu d'origine. Mais on se dit tout de même qu'il reste toujours une trace d'un héritage et d'une éducation. Il vous reste probablement une façon de voir le monde qui est héritée de cette éducation-là. Oui, on ne peut pas nier ses origines, même et surtout quand on essaie de les nier, de se libérer des contraintes d'une telle éducation, d'une telle jeunesse. Mais certainement, il y avait certaines valeurs qui m'étaient inculquées dès le début. Oui, vous disiez éduquer, notamment en fonction d'une religion extrêmement rigoureuse, hollandaise, cette église hollandaise calviniste. Quel type de relation entre les hommes et les femmes inculquait-elle, cette religion? C'était la patriarchie toute pure. donc qui croyait à la supériorité d'homme et qui imposait un régime assez suppresseur, ça se dit en français ? Non. Qui supprimait les femmes, qui niait la valeur, la pleine valeur des femmes. Donc il insistait sur la primauté de l'homme, et surtout dans le contexte plus large de l'Afrique du Sud, de l'homme blanc. J'ai noté une phrase, André Brink, dans votre dernier roman « L'amour et l'oubli ». Vous écrivez ceci à propos de Chris, qui est un personnage écrivain, africaineur lui aussi. Et vous écrivez « J'ai toujours eu le goût de l'organisation, de la systématisation, de la structuration, influence persistante de mon père, l'homme de la loi, l'homme rigide et tyrannique de mes années de formation. » Est-ce que c'est une phrase qui pourrait vous convenir également ? Oui, je crois que oui. Mon père à moi n'était pas aussi strict et aussi dur dans ses vues que le père de Christ. Pas de Christ, mais de Christ. On ne peut même pas confondre les deux dans un tel milieu. Mais mon père avait un côté très humain, très généreux, très doux. Mais en même temps, il y avait les valeurs rigides du calvinisme. Donc aussi, sur le côté purement religieux, c'était des églises sans ornement, sans décoration, très blanches à l'intérieur, avec des bancs très droits, très difficiles à faire concentrer sur le sermon pendant une heure ou même plus. Sur le côté politique, il y avait, parce que c'était intimement lié à l'apartheid, qui imposait l'idée de la supériorité des Blancs sur les Noirs. Je me rappelle très bien, quand j'étais enfant, on nous racontait l'histoire de Noé en expliquant que ses trois fils étaient là. Deux d'entre eux étaient des fils acceptables, assez reconnus. Le troisième devenait l'ancêtre des Noirs. Et donc, de cette petite histoire, on tirait la leçon que les Noirs étaient faits par Dieu pour être à jamais le serviteur de ses frères. Et c'est comment on expliquait la situation raciale en Afrique du Sud. Vous avez donc grandi, André Brink, avec cette idée de la supériorité d'une race sur une autre, et vous avez à plusieurs reprises expliqué qu'au fond c'est votre premier séjour en France entre 1959 et 1961 qui vous avait ouvert les yeux finalement sur le drame de votre pays, cette ségrégation, et qui vous avait permis de prendre conscience de ce qu'était réellement l'apartheid. Avec le recul du temps, comment voyez-vous cet épisode parisien ? À la fin des années 50. Je crois que le développement dramatique, dans mes points de vue, était inspiré par le fait que mon arrivée à Paris coïncidait plus ou moins avec le massacre de Sharpeville en 60. Donc le moment où 69 Noirs étaient tués par la police au cours d'une manifestation paisible, surtout des femmes, contre l'imposition des lois, des passes sur les Noirs, les femmes. Auparavant, ces lois n'étaient imposées que sur les hommes. Donc il y avait des manifestations un peu partout dans le pays. Et dans cette petite ville à côté de Johannesburg, il y avait cet affreux massacre. Et je me trouvais à Paris à ce moment-là, à 10 000 kilomètres de distance, et donc avec toute la clarté qu'apportait cette distance à la vue. Et c'était vraiment pour la première fois de ma vie que j'étais forcé de me rendre compte, non pas seulement de ce qui se passait chez moi en Afrique du Sud, mais ce dont étaient les responsables, mon peuple à moi, donc les Afrikaners. Et c'était une découverte tout à fait consternante, bouleversante, et je devais recommencer à rien. Après ça, je devais démanteler tout ce que j'acceptais comme des faits, comme des vérités dans ma vie, et recommencer. Et c'était justement là une sorte de tragédie que j'avais le temps, pendant les 2 ans que j'étais à Paris en ce moment, de nettoyer toutes mes valeurs d'auparavant, mais pas assez de temps de commencer une reconstruction d'une philosophie de vie. Donc, à la fin de ces 2 années-là, quand j'étais forcé de retourner chez moi, parce que je n'avais tout simplement pas assez d'argent de rester, je me suis promis de retourner à Paris dès que possible. Il me fallait 5-6 ans avant que ce n'était possible. Mais à la fin, j'ai effectué cet retour important. Vous avez fait un geste, André Brink, tout à l'heure, qui signifiait « j'ai fait table rase, finalement, c'est de ça. Toutes les valeurs ». Mais vous avez défié votre groupe d'origine en faisant cela, et vous avez pris un risque, qui était le risque de l'exclusion. Ah, et pas tout simplement une exclusion passive. C'était une exclusion assez hostile, assez menaçante contre ceux qui se révoltaient, contre ceux qui osaient questionner, interroger les bases sur lesquelles était construite l'apartheid et toute la société blanche sud-africaine. Après ce premier épisode parisien, vous rentrez donc en Afrique du Sud avec le projet, vous le disiez, de revenir à Paris le plus rapidement possible. Et là, vous êtes l'un des premiers romanciers africaneurs qui renouvelle le genre romanesque, puisque vous avez non seulement transgressé les tabous dans le domaine de votre vie d'homme, mais également dans le domaine romanesque. Et là aussi, il fallait se débarrasser du puritanisme blanc pour accéder à une forme d'écriture libre. Ah oui, parce que ce qui régnait en Afrique du Sud sur le niveau littéraire, c'était un naturalisme dérivé du 19e siècle. Donc il fallait recommencer à concevoir du monde et des façons d'écrire sur ce monde tout à fait de base. C'était un renouvellement qui était inspiré par le séjour que je faisais à Paris à l'époque de l'existentialisme. Et il se trouvait qu'au même moment, ou plus ou moins au même moment, il y avait quelques autres écrivains africains qui, eux aussi, avaient séjourné à Paris et ailleurs en Europe pendant quelques années. Et donc, retournés sur place, nous commençons à nous connaître, à faire la connaissance des uns des autres, et d'insister sur une chose, et c'était recommencer le roman sud-africain et surtout africanaire. Qui sont les autres écrivains africaneurs avec lesquels vous avez partagé ce renouvellement littéraire? Il y avait le grand poète Breton Breitenbach qui est resté à Paris pendant très très longtemps. Il y avait un dramatiste, Bartosz Smit, qui était vraiment de l'avant-garde. Il y avait un dramaturge métis, Adam Small, qui vit toujours et qui a vraiment recommencé à repenser le théâtre en Afrique du Sud. Il y avait un romancier, Chris Barnard. Il y avait surtout un romancier, Étienne Leroux, un nom bien français. Oui. En 1967, André Brink, vous revenez à Paris, et là, si j'ai bien compris, vous y revenez avec le projet de vous y installer. Mais l'histoire en décide autrement, puisque peu de temps après, en mai 68, les événements que nous connaissons arrivent, et là, de nouveau, c'est un choc pour vous, et de nouveau, c'est une prise de conscience, alors cette fois-ci, peut-être plus strictement politique. Oui, oui, et c'était vraiment la décision de faire quelque chose à la situation politique à travers la littérature. Parce que, après mon retour de 61, je savais tout simplement que j'étais contre le régime sud-africain, contre l'apartheid, mais je n'avais pas d'idée claire sur ce qu'il fallait faire. J'étais surtout plein de rancune contre le régime, mais il y avait une sorte d'impuissance en ce qui concerne les moyens de démontrer ma révolte. Et c'était surtout ce séjour de 68 à Paris qui coïncidait, comme vous l'avez dit, avec les événements de ce mois de mai, qui interrogeait d'une façon très profonde les relations de l'individu et de la société. Et pour moi, c'était donc nécessaire de reconsidérer mes options, mes choix. Et je me suis rendu compte du fait que écrire à une distance de 10 000 kilomètres, ça ne valait rien, parce que c'était trop facile. Je me trouvais tout à fait en sécurité. Je n'étais pas forcé de prendre les responsabilités pour les décisions que je ferais. Et c'est pour ça, donc, que je me suis décidé de retourner sur place et, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, prendre mes responsabilités envers ma société, à moi donc, envers le régime de l'apartheid. Je savais à ce moment-là que ce serait difficile, que je choisirais une vie pas sans danger, mais une vie tout à fait hérissée de dangers, de menaces, de choix. Mais je l'ai choisi de plein cœur, je voulais retourner à ce moment-là. En 61, quand j'étais retourné en Afrique du Sud, c'était à contre-cœur. Je ne voulais pas retourner, mais je ne savais pas, comme je l'ai dit, que faire. Maintenant, je savais que je devrais faire quelque chose pour changer la situation, pour transformer la situation sud-africaine. Et je savais en même temps que mes moyens de transformation, c'était l'écriture, c'était la littérature. Parce que je savais que je serais un très mauvais révolutionnaire sur le plan pratique, je ne vaux rien. Mais en ce qui concerne la littérature, il y avait des possibilités de faire quelque chose. Mmh. C'était donc pour cette raison que j'étais retourné. Et le premier roman, qui n'est pas votre premier roman, mais le premier roman qui est né finalement de cette prise de conscience, va paraître en 1973, il sera traduit en France en 1976, c'est Au plus noir de la nuit, qui est d'emblée en Afrique du Sud frappé par la censure, il est interdit. Oui, et c'était le premier roman en afrikaans qui a jamais été interdit par la censure. Donc ça faisait un très grand bruit dans l'Afrique du Sud, et en fin de compte, dans plusieurs pays du monde, ce qui portait de la chance pour moi, parce que ça voulait dire qu'il y avait une possibilité d'entrer dans d'autres littératures en même temps, surtout après la censure, parce que le livre n'était pas tué comme se passait avec pas mal d'autres écrits afrikaans, parce que si on écrit dans une toute petite langue comme l'afrikaans, il n'y a aucun moyen de survivre. Pour des écrivains de langue anglaise en Afrique du Sud, tels Atoll Fugard, tels Nadine Gordimer et d'autres, c'était toujours possible de continuer à publier ailleurs, à Londres et ailleurs. Mais pour moi, en tant qu'écrivain afrikaner, c'était fini. Mais justement, à cause de ça, je me suis décidé de commencer à écrire en anglais aussi. Au début, c'était une question de traduire mes romans en anglais. Et au fur et à mesure, je commençais à écrire dans les deux langues. L'afrikaans, parce que je ne voulais pas renoncer à l'afrikaans. Non pas seulement parce que c'était ma langue à moi, mais parce que c'était aussi devenu la langue de l'apartheid. Et afin de contester le régime apartheid, dans la langue d'afrikaans, je voulais démontrer que la langue était plus grande que la politique, que le système de l'apartheid. Et en même temps, j'écrivais donc à partir de ce moment-là en anglais, ce qui me le rendait possible de me faire publier un peu partout dans le monde. Et c'était donc une forme d'action contre l'apartheid qui mettait sous les yeux du monde la réalité de tous les jours que je vivais dans mon pays. Et c'était donc une occasion que je ne voulais pas manquer. Oui, donc vous avez vous-même traduit de l'afrikaans en anglais Au plus noir de la nuit. Et finalement, vous faites partie, André Brink, de ces auteurs qui, en raison de la censure qui s'exerce dans leur propre pays, accèdent à une très grande notoriété internationale. Sans que vos histoires soient comparables, on peut songer par exemple à ce qui est arrivé à Salman Rushdie. Oui, ben oui, oui. Et à plusieurs écrivains de l'Europe centrale qui, à travers le Zamijdat, devaient avoir recours aux moyens de disséminer leurs œuvres en clandestinité. Moi, la clandestinité totale n'était pas nécessaire parce que je pouvais à partir de ce moment-là, me faire publier à Londres, à Paris, même à Moscou, un peu partout. Et c'était là la chance, le bonheur de la censure, parce que je pouvais profiter de la notoriété qu'apportait la censure à mon œuvre pour me faire connaître et pour mieux exposer l'atroce réalité de l'apartheid. Vous confessez assez volontiers, André Brink, l'influence qu'a eu sur vous Albert Camus, et notamment sa vision de l'homme révolté, hein, qui réagit au constat de l'absurde. Et finalement, c'est l'expérience que vous avez faite vous-même dans votre propre vie, cette nécessité de réagir par la révolte à l'absurdité qui vous est faite et à la violence qui vous est faite. Ah oui, ça a commencé sur un plan un peu différent. À mon arrivée à Paris, je me trouvais étranger dans tous les sens du mot, à Paris. Je savais très mal me débrouiller en français parce que je parlais très mal. Après quelques années d'études en Afrique du Sud, je devais constater à mon arrivée que ceux qui passaient pour le français chez moi n'avaient rien à faire avec le français proprement dit. Proprement dit dans tous les sens. C'était donc en tant qu'étranger, à quelqu'un que j'ai trouvé à l'écart de ce qui se passait au centre de la vie française. Et ce qui me choquait, seulement quelques mois après mon arrivée à Paris, c'était la mort de Camus, d'une façon tellement violente dans cet accident d'automobile. Et c'était cet accident et cet incident qui me forçait de m'ouvrir à l'influence de Camus d'une façon beaucoup plus ample, beaucoup, beaucoup plus profonde qu'auparavant. Et c'était donc surtout à partir de ce moment-là que les autres aspects de sa philosophie, surtout en ce qui concerne l'homme révolté, m'a frappé, m'a poussé, m'a inspiré de plus en plus. L'un de vos romans les plus connus, qui a reçu ici le prix Médicis en 1980, Une saison blanche et sèche, est une épopée, André Brink, qui est très, très, très inspirée par Camus, puisque nous y reviendrons bien sûr tout au long de cette semaine, nous reparlerons de ce texte, mais c'est l'histoire d'un homme qui se lève pour dire « il n'est plus possible de prétendre, je ne savais pas », ce sont les derniers mots du roman d'ailleurs. C'est ça, oui. Parce que bien sûr, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'était une phrase qui m'a hanté toujours où j'allais. Et en Afrique du Sud, il y avait, et il y a même toujours, des gens qui continuaient à dire « mais moi je ne savais pas, je n'étais pas contre les Noirs, je n'étais pas raciste ». Mais je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. C'était pour la plupart des blancs sud-africains, seulement les expériences qui coulaient de la commission Vérité et Réconciliation dans les années 80-90, qui faisaient découvrir la réalité de la torture, de la répression, de l'oppression blanche contre les Noirs, qu'à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus nier. Mais moi, qui, à travers les amis que j'avais après mes séjours à Paris, surtout des amis noirs, je commençais à découvrir de plus en plus de ce qui se passait dans les milieux policiers, des policiers, dans les milieux de la justice. Mon père même était juge. Donc, je savais de plus en plus de ce qui se passait, de l'atrocité, de l'horreur de cette expérience. Et j'avais donc à ma portée la possibilité d'écrire là-dessus. Et c'était surtout, au début, c'était surtout dans Une saison blanche et sèche que je pouvais exposer les atrocités que m'avaient racontées mes amis. Et où je pouvais, peut-être à deuxième main, exposer au monde et communiquer au monde toute la réalité affreuse de ce qui se passait chez moi. Mmh. le choix courageux de la lucidité qui se double, André Brink, du bonheur amer de la lucidité, qui pourrait un petit peu résumer La Peste de Camus. J'ai l'impression que c'est le credo d'un certain nombre de vos personnages et même de beaucoup de vos personnages. Ah oui, oui. Parce qu'à partir du moment où j'avais vraiment constaté la réalité de l'apartheid, je ne pouvais plus rester silencieux là-dessus. Je devais absolument continuer de l'exposer. Et pour moi, c'était de plus en plus mêlé avec ma conception de l'homme révolté, du héros qui a obtenu une sorte de clarté de vision. Et pour moi, c'était devenu une partie de celui qui peut devenir héros, qui était digne de porter le poids d'une histoire racontée à travers un roman. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Catherine Poinbert avec André Brink, enregistrée en 2006. Cette émission s'écoute en ligne pendant 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. France Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, le temps des lectures. Tout l'été, nous prolongeons les entretiens avec des écrivains par des lectures d'une ou plusieurs de leurs œuvres. Ce soir, et toute cette semaine, nous avons choisi de vous faire entendre des extraits des mémoires d'André Brink, publiés chez Actes Sud, sous le titre « Mes bifurcations ». L'auteur s'y exprime sur sa vie, sur son pays, narration et réflexion alternent. Peu à peu, il dessine l'histoire d'un Sud-Africain né en 1935 qui condamne les horreurs de l'apartheid comme les dérives du gouvernement actuel sans jamais s'affranchir de l'amour qu'il porte à cette terre qu'il n'a jamais quittée. Une réalisation de François Christophe. Mes bifurcations, mémoire d'André Brink. Page choisie par Michel Pomarède. Avec Jean Ocotrel. Premier épisode. L'écrivain André Brink est né en 1935 dans une famille afrikaner descendant de Colombourg, arrivée en Afrique du Sud 3 siècles auparavant. Son père était magistrat et sa mère institutrice. Au début de ses mémoires intitulées « Mes bifurcations », parues en France en 2010, André Brink revient longuement sur ses croyances de jeune garçon façonné par la rigueur de la religion calviniste et le racisme, deux piliers de sa famille. Il y aborde également la violence banale des Blancs contre les Noirs. Il me suffit de fermer les yeux et de prononcer silencieusement le mot « dorp », village. Je revois alors, plus de 60 ans après, de larges rues poussiéreuses, trottoirs envahis par les épineux, que nous appelions non sans raison « d'Ouveltiès ». Diablotin. Un quadrillage prévisible de rues autour de la haute flèche de l'église hollandaise réformée. Celle-ci surplombait, menaçante, les demeures environnantes, telle une grosse poule lourdaude, les ailes déployées protégeant ses ouailles. Deux fois, le dimanche et le mercredi soir, lors des réunions de prière, la congrégation était convoquée par le grondement de la cloche, hommes, femmes et enfants obtempérés, moins par conviction que parce qu'un siège vide était le meilleur moyen d'encourager les commérages, dont les échos étaient prompts à se propager dans la ville et les environs, souvent pendant des semaines. Lorsqu'après l'office dominical, on avait passé en revue les nouvelles, les scandales et les secrets les plus récents du bourg, chacun rentrait chez soi pour s'attabler devant un repas gargantuesque préparé par des domestiques noirs sur des fourneaux Aga ou Dover, dans des cuisines où régnait une chaleur digne de la fournaise de Nabucodonosor. Ensuite, les adultes repus se mettaient à ronfler, et les enfants, pris de fou rire idiot et enflammés par une imagination férocement inventive, poursuivaient de leur côté leurs étranges affaires, alors qu'ils étaient censés se reposer dans leur lit ou lire des livres édifiants. Alors les mêmes femmes noires qui avaient cuisiné débarrassaient les tables, faisaient et rangeaient la vaisselle avant de porter les restes à leurs enfants qui patientaient dans la location, seulement après que les morceaux les plus appétissants avaient été mis de côté pour les poulets, les chiens et les chats, si ce n'est pour un cochon qui se vautrait dans la fange de la cour. Près de l'église, 2 ou 3 rues présentaient leurs enfilades de magasins dotés de grands stops, des vérandas. Une pharmacie, 2 ou 3 épiceries, reconnaissables aux grandes affiches qui vantaient les mérites de souliers en cuir, de salopettes kaki, des cigarettes Big Ben ou C2C, du Golden Syrup de chez Lyle, de la Marmite, de l'Elastoplast, de la crème d'arachide Black Cat. Un boucher, un boulanger, 1 ou 2 cafés, un croque-mort qui parfois vendait des livres et des journaux et qui recouvrait son habituel costume noir avec une blouse d'un blanc sale pour se métamorphoser aussi en coiffeur. Un garage Pegasus, avec ses pompes à essence manuelles. Une banque et parfois quelques bureaux. 1 ou 2 notaires, un courtier en assurance. Et un hôtel, immanquablement royal, maçonnique ou commercial, avec son comptoir de vente d'alcool, qui, avant même que l'apartheid n'impose des entrées séparées pour les blancs et les noirs, maintenait une ségrégation respectueuse entre les uns et les autres. Sans compter, cela va de soi, le bureau du magistrat, en briques rouges ou en grès, rarement éloigné du poste de police, avec sa lampe bleue et ses poivriers ou 1 ou 2 palmiers éthiques, et une longue prison basse, mal camouflée par un bosquet d'aloès ou de cisales, voire un bougainvillier ou un lantana téméraire recouvert d'une épaisse couche de poussière. D'ordinaire, l'école se trouvait à l'écart, dans une rue secondaire ou à la périphérie. Peinture rouge écaillée sur sa toiture pentue, briques décoratives, gouttières mal arrimées, entourée à perte de vue par une interminable cour de récréation de gravier, avec des rangées séparées de latrines pour les garçons et les filles. Si l'on exclut les bicoques crasseuses des petits blancs sous la ligne de chemin de fer, la plupart des maisons étaient imposantes et s'étalaient au milieu de jardins spacieux, si le terme « jardin » convient pour l'étendue de Velde, la brousse, en grande partie à l'état vierge, qu'on avait courageusement délimité, où on avait retourné la terre et fumé quelques carrés de légumes peu convaincants qu'on essayait désespérément d'amener à produire quelque chose qui ressemblât à des légumes. Mais pour la plupart, ces lopins de terre étaient plus ou moins abandonnés et envahis par les herbes folles. Étendue de terre rouge que les poules grattaient ou des chiens somnolents se léchaient les bourses. Un ou deux jardins étaient dotés d'éoliennes, amputées le plus souvent de plusieurs pales. Elles faisaient des bruits fantomatiques lorsqu'une bourrasque sans crier gare trouait la nuit. Dans l'ensemble, les habitants comptaient sur des bidons en tôle ondulée pour arroser leurs jardins, ce qui convenait pendant quelques mois après les pluies, mais ensuite, une fois l'eau utilisée, ces bidons séchaient et succombaient au cancer de la rouille. Le fait que nous vivions encore dans une autre époque était évident, quand des douzaines de fermiers, aussi lourdeaux que des balles de foin dans leurs beaux habits, arrivaient au temple dans leurs landaus, ou spiders, tirés par des chevaux sur leurs carrioles tirées par une mule ou leurs charrettes tirées par un âne, toutes joliment décorées. Le temple. Dans certains de nos villages, il y avait une synagogue, une église anglicane, voire catholique, mais le centre de toutes les activités de la communauté était l'église hollandaise réformée, sous la férule de la Trinité jamais contestée du dominé, le révérend, du sacristain et de l'organiste. C'étaient les trois représentants immédiats de notre Dieu tout-puissant sur terre, et la légende peinte sur le mur chaulé derrière la chaire proclamait « Dieu est amour » avec la même conviction théâtrale que la prophétie « Mene Mene Tekel Upharsine » sur le mur de Balthazar. La seule faille dans la présentation était que, au fil des ans, une humidité irrévérencieuse avait dessiné une tache disgracieuse aux tonalités rouilles qui oblitérait quasiment le mot « amour ». Un signe des temps, sans nul doute. Cela ne m'empêcha pas très jeune d'envisager sérieusement d'accéder au souhait le plus cher de mes parents que j'entre dans les ordres. Mais après les avoir déçus en fin de compte en abandonnant l'idée de devenir dominé, le plus près du centre du pouvoir que je me sois approché, ce fut d'être autorisé à jouer du petit harmonium droit à la réunion de prière hebdomadaire des enfants le mardi après-midi. Je m'y attachais d'ailleurs avec une dévotion insigne et tant de fioritures que la plupart des hymnes duraient avec moi deux fois plus de temps que les originaux. C'est lors de ces réunions qu'on définissait le péché, là qu'il avait dans une certaine mesure son origine, là que s'élabora une grande partie de ma notion juvénile du mal. Même les actions charitables, les bonnes actions, étaient liées à des actes violents. Je n'éprouvais aucun remords à assister à l'abattage des volailles et je riais des volettements effrénés des poulets décapités dans la cour lorsqu'on préparait un bon banquet dominical, même s'ils avaient tendance à hanter mes nuits sous forme de cauchemars effroyables. Toutefois, jamais je n'essayais de décapiter un poulet, même lorsque mon père me tendait le couteau qu'il avait aiguisé avec un arc consommé. Trancher la gorge d'un mouton était encore plus morbide. Ses yeux devenaient tout blancs quand on lui renversait la tête loin en arrière pour lui tendre le cou au maximum. Puis, l'unique coup adroit du long couteau aiguisé, l'ultime bêlement étouffé, réduit à un gargouillis liquide, fontaine de sang vermillon, jaillissant de l'entaille. Ce rituel était pratiqué tous les ans par mon père, secondé par des aides, juste avant Noël, lorsque les dames patronesses préparaient de généreux paquets de nourriture dans notre cour et dans la cuisine, destinés à être distribués chez les pauvres et les nécessiteux, accompagnés de brochures colorées, vantant la miséricorde divine et le pouvoir salvateur du sacrifice de l'agneau divin. Là, me semble-t-il de plus en plus, se trouvait la clé des bourgs de mon enfance, égrenée telle des perles poussiéreuses sur un ruban infini de pistes dans l'intérieur des terres. L'impact de cette conscience était accru par la solitude qui enveloppait chacun d'entre eux, l'éternité qui les entourait sous la vaste voûte résonnante du ciel. La peur, oui, nous connaissions la peur. Elle se cristallisait surtout dans des faits minimes, mais bien réels et souvent grotesques. Ainsi, certains matins au réveil, j'étais persuadé qu'un homme noir dormait sous mon lit. Je ne le voyais jamais, je savais seulement qu'il était là. Il était armé d'un long couteau bien aiguisé. Il était souvent juste sur le point de fondre sur moi. Il allait me débiter en morceaux et me dévorer. Le fait que cela n'arrivait jamais ne lui ôtait pas une once de réalité. Je crois que toute une histoire sous-tend la présence de l'homme noir sous mon lit. Une version de l'histoire de l'Afrique du Sud présentée pendant 300 ans de colonialisme comme une extension de la vérité biblique, une version raciste et patriarcale conçue par des hommes blancs. Les vocables « blanc » et « homme » étant ici tout aussi déterminants l'un que l'autre. Chaque année à l'école, nous étions endoctrinés par des récits plus sains que sains de la guerre des Cafres. À la frontière orientale de la colonie du Cap, des vagues successives d'assauts lancées par les sauvages noirs et païens contre l'infime bastion de civilisation blanche entre la baie de la Table et la Great Fish River à l'est et la baie de la Table et le Garip au nord, avaient été repoussés par de tenaces chrétiens qui s'étaient battus avec Dieu à leur côté. Des incidents spécifiques typiques de la brutalité noire ponctuaient le déroulement de ce parchemin. Les familles de burghers, de bourgeois, ou d'intrépides colons dans des cabanes isolées à l'intérieur des terres avaient été lâchement attaquées et décimées, fuyant la domination britannique pour aller fonder des républiques libres dans le Natal et le Transvaal. Les Voortrekkers, les pionniers, étaient assaillis par des hordes meurtrières et traîtreusement massacrés, leurs enfants attirés dans le Veld où on les démembrait et leur tranchait la gorge. Au fil des ans, en lisant les nombreuses histoires de l'Afrique du Sud, notamment celles qui s'attachaient au XVIIIe siècle, j'ai toujours été frappé par l'extrême violence des affrontements entre groupes raciaux et nationaux, voire entre individus du même groupe. La violence est le lot de toutes les sociétés, mais en Afrique du Sud, elle semble presque invariablement doublée d'une exacerbation, d'un surplus imprévu de hargne. À l'université, un étudiant me raconta un jour l'expédition à laquelle il avait pris part avec un détachement de policiers lancés à la poursuite de voleurs de bétail qui avait causé de gros dégâts sur les terres de son père. Après une journée et une nuit de vaines recherches, ils avaient découvert un jeune noir qui marchait sur une piste, son baluchon sur l'épaule. Rien ne le liait au méfait, mais il était noir, et il croisa leur chemin au moment où leur rage et leur frustration étaient à leur comble. Ils sautèrent donc de la fourgonnette de police et se mirent à lui hurler après. Paniqué, le jeune garçon se mit à courir, preuve patente de sa culpabilité. Ils lui tirèrent dans les jambes, il tomba. Ils lui tirèrent ensuite dans le dos à bout portant et il eut la colonne vertébrale brisée. C'est alors qu'il eut droit au surplus de violence. Ils lui tombèrent dessus, le rouèrent de coups de poing et de pied avant de le jeter à l'arrière de la fourgonnette pour l'emmener au poste, où ils l'enfermèrent dans une cellule pour la nuit. À intervalles irréguliers, des policiers pénétraient dans la cellule pour le battre. Il ne fut transporté à l'hôpital que le lendemain matin. Par miracle, il survécut. Son procès eut lieu des mois plus tard. Mon père le déclara non coupable. Dans notre famille, on ne prêchait pas ouvertement le racisme dans ses formes les plus violentes et destructrices. Il n'en était pas moins omniprésent. La façon subtilement pernicieuse par laquelle il se manifestait était évidente, par exemple dans les goûts musicaux de mon père. On ne peut pas vraiment dire qu'il aimait la musique, mais certains airs lui plaisaient beaucoup, et nul autre davantage que l'aria de Samson et Dalila. « Mon cœur s'ouvre à ta voix », chanté par Marian Anderson. Il arrêtait ce qu'il était en train de faire dès qu'il avait l'occasion d'écouter cette voix magnifique. S'il était capable de se laisser émouvoir jusqu'aux larmes par un morceau de musique, c'était bien par celui-là. Or, à l'université, je fis une découverte que je ne pus m'empêcher de partager tout de suite avec mes parents. Un jour, au déjeuner, je leur demandai « Saviez-vous que Marian Anderson est noire ?» Mon père n'a plus jamais écouté son aria préférée. Quand elle passait à la radio, il éteignait celle-ci ou sortait de la maison. De mon côté, j'ai continué d'être fasciné par la voix de Marian Anderson. Un seul autre souvenir qui, celui-là, n'impliquait pas mon père, mais un homme généreux et blagueur dont la famille, de vieux amis de mes parents, me logea pendant mes premières années à la fac. Gros propriétaire terrien et homme d'affaires, Home John, grand-père John, était l'un des hommes les plus amusants que j'avais jamais rencontrés. De la vie générale, il avait un cœur d'or. Dans l'épisode qui suit, jamais il n'aurait imaginé qu'il agissait autrement qu'avec humanité et magnanimité. D'une de ses propriétés dans le Cap Nord, Home John avait ramené un jeune noir de 16 ou 17 ans pour en faire son boy dans la ville universitaire où j'étudiais alors, Potchefstroom. À l'époque, un ancien système féodal s'appliquait encore à la campagne. Il est d'ailleurs regrettable de reconnaître que même après les bouleversements politiques en Afrique du Sud, les choses n'ont pas vraiment changé. La terre se vendait et s'achetait, cheptel et journalier inclus. Tant que l'exploitation vous appartenait, vous pouviez disposer de tout homme, femme ou enfant à votre guise. C'est ainsi que lorsque Home John eut besoin de personnel en ville, à plusieurs centaines de kilomètres de la ferme, il emmena le jeune Adam sans se demander un instant si cela lui convenait ou pas. Or Adam était un garçon chétif très attaché à sa mère, qui, gravement malade à l'époque, pouvait mourir bientôt. Un mois après avoir été transplanté dans le modeste appentis au fond de la cour de la vaste demeure d'Home John à Potchefstroom, Adam s'enfuit. Rattrapé dans les faubourgs de la ville, il fut ramené chez son maître. Il expliqua qu'il avait voulu rendre visite à sa mère. Avec son insigne générosité, Home John ne lui donna qu'un avertissement verbal et quelques claques sur les oreilles. Il lui promit qu'il pourrait rentrer à la ferme à Noël. Quelle générosité, n'est-ce pas? Mais il y avait un problème. On n'était qu'en avril, et la mère du garçon pourrait ne pas survivre jusque-là. Qu'importe, il y a des problèmes plus graves que la vie et la mort de la mère d'un journalier qui habite au fin fond de la cambrousse, non? Quand Adam s'enfuit à nouveau, Home John continua de traiter ça comme une plaisanterie, et la raclée qu'il infligea au garçon ne fut pas trop sévère. Au bout de 3 jours seulement, Adam était prêt à reprendre le travail. Ses velléités rebelles étaient apparemment matées. À sa 3e tentative, les choses se corsèrent. Home John emmena le coupable au poste de police pour discuter. Là, on le bouscula un peu, histoire de lui faire comprendre que certains comportements étaient acceptables et d'autres pas. Le brigadier de service proposa à Homme John d'appliquer à Adam la manière policière bien rodée et réputée très efficace, ou alors il pouvait emmener le coupable chez lui et lui faire tâter du fouet lui-même. « Non, non, » répondit Homme John. « Il ne voulait pas qu'on estropie ou qu'on tue le pauvre garçon. Il préférait s'occuper du contrevenant en personne si ces messieurs pouvaient seulement l'assurer qu'il avait leur bénédiction. » Ils furent heureux d'accéder à sa requête. « Mais ne soyez pas trop indulgents avec ce petit connard !» s'exclama le brigadier en rigolant lorsque Homme John fut prêt de partir. Le brigadier aussi avait le sens de l'humour. C'est ainsi que le lendemain matin, vers 10 heures, Homme John et deux voisins emmenèrent Adam dans l'abri à charbon. Chaque voisin apporta de chez lui une longueur de tuyau d'arrosage, plus quelques longueurs supplémentaires, au cas où. Même alors, Homme John montra jusqu'où pouvait aller sa prévenance. Pour éviter que le garçon salisse ses vêtements s'il se faisait dessus, les hommes le mirent nu, et ils refermèrent derrière eux la porte de l'abri. À mon retour à 2 heures de l'après-midi, retentissait encore à l'arrière de la propriété l'espèce de gémissement tout aussi régulier et automatique que les coups de fouet mat qu'on entendait en alternance. Aussitôt, je fis demi-tour et retournai à la bibliothèque. En rentrant à 5 heures, j'entendis encore les coups de fouet, mais plus les gémissements. J'allai m'allonger sur mon lit et m'enfouis la tête sous les oreillers. Peu avant le dîner, les hommes revinrent du fond de la cour, dégoûtant de sueur, exténués, réclamant des rafraîchissements après leur dure journée de labeur. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Une phrase stupide ne cessa de me tourner dans la tête. Allongé sur mon lit, la tête enfouie sous deux oreillers. Comme si toute ma vie, voire toute la civilisation blanche d'Afrique du Sud, avait été concentrée dans ces quelques mots. Je compris que la voix d'Adam et le bruit de succion des coups de fouet ne me lâcheraient plus. Aussi longtemps que je vivrais, ils ne me quitteraient jamais. Jamais. La brute réalité de la violence ne m'accorderait plus de repos. Elle était là, demeurerait là, où que je sois, quoi que je fasse, pour les siècles des siècles. Amen. C'était Mes bifurcations, mémoire d'André Brink. Page choisie par Michel Pomarède, avec Jean Aucotrel et Anne Cailleur. Prise de son et mixage, Jean-Louis Deloncle. Assistance technique et montage, Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Anne-Laure Chanel. Réalisation, François Christophe. Mes bifurcations a été traduit de l'anglais par Bernard Turle et est publié chez Actes Sud. Oh. C'était Un été d'écrivain, des entretiens, des lectures, des auteurs français, des auteurs étrangers. Toute cette semaine, André Brink. Vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr cette émission, ainsi que toute la série d'Un été d'écrivain. À demain.